بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد رأينا في الدرس السابق أن من بدأ الصيام قبل النصف من شعبان أو كانت له عادة فله أن يصوم بعد النصف من شعبان. Et donc nous avions vu que celui qui a commencé à jeûner avant la première moitié, avant la moitié de Sha'ban, du mois de Sha'ban, ou alors que celui-ci avait l'habitude, avait une certaine habitude de jeûner, comme les jeudis et les lundis. Alors que nous avons vu que celui-ci, lorsque vient la deuxième moitié de Sha'ban, alors celui-ci peut continuer à jeûner. وكذلك من كان عليه صوم واجب كقضاء رمضان. Et de la même façon, toute personne qui doit rattraper, à qui l'incombe d'accomplir un jeûne obligatoire, tel que le fait de jeûner pendant, le fait de rattraper le jeûne de Ramadan, tel que le fait de rattraper le jeûne de Ramadan. وكذلك في الحديث النهي عن صوم يوم الشك وهو اليوم الذي يتحدث الناس فيه عن رؤية الهلال فلم يروه. Il y a aussi dans ce hadith, et donc pour vous rappeler le hadith, donc c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taqaddamu ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasum. Ne faites pas devancer le mois de Ramadan, ne faites pas devancer le jeûne de Ramadan, ne faites pas devancer Ramadan par le fait de jeûner un ou deux jours, sauf un homme qui avait pour habitude de jeûner un jour spécifique, alors qu'il le fasse. Et donc, dans ce hadith, il y a aussi l'interdiction, quant au fait de jeûner le jour du doute. Qu'est-ce que le jour du doute ? C'est le jour durant lequel les gens parlent de la vision de la lune montrant le début du mois, le croissant lunaire montrant le début du mois, et qu'ils n'ont pas vu cela. Et donc, ça sera le 29. Le 29 du mois, donc ici le 29 du mois de Sha'ban, les gens vont chercher à voir est-ce que on est arrivé à la fin du mois ou est-ce que ça continue, puisque les mois lunaires durent 29 ou 30 jours. Et donc ils n'ont pas vu ce croissant lunaire. Fal mashhour min madhhab al Hanabila fi hadhihi al mas'ala annahu law kana yawm al yawm al tasi' wal 20 aw al tasi' wal 20 min Sha'ban ثم لم يرى الهلال وفي السماء غيم فذهبت الحنابلة إلى وجوب الصيام في هذه الحالة احتياطا لأنه ربما هل الهلال ولكنه لم يرى. Et donc ce qui est connu de l'école hanbalite dans ce sujet, et que si on est au 29e jour de Sha'ban et que le croissant lunaire n'a pas été vu, le croissant lunaire montrant le début du mois n'a pas été vu, et que le ciel est couvert, alors à ce moment-là, l'école Hanbalite, il voit qu'il est obligatoire de jeûner dans ces conditions. Et cela, car c'est plus sûr. Car c'est plus sûr. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que la lune, le croissant lunaire, soit apparu, mais qu'on ne l'ait pas vu. Istadallu bima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala idha ra'aytumuhu fasumu وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْتِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْدُرُوا لَهُ. Et donc, ils se sont appuyés sur quelle preuve? Al-Hanabila, ils se sont basés sur la preuve citée dans l'enquête d'Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Umar radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous le voyez, c'est-à-dire le croissant lunaire qui montre le début du mois, si vous le voyez, alors jeûnez, et si vous le voyez, alors rompez le jeûne, donc à la fin du mois. Et si il vous est caché, donc le croissant lunaire nous est caché, c'est-à-dire que il y a donc dans le ciel est couvert, par exemple. S'il vous est caché, alors déterminez-le. Retenez bien cette partie du hadith. Fakduru lahu. Alors, je le traduis par déterminez-le. Kolu fakduru lah ay doyiku alay. Al-Hanabila, ils ont dit fakduru lah. Cette partie que j'ai traduit par alors déterminez-le, ils l'ont traduit par alors rétrécissez-le. Ou alors diminuez-le. Ou alors le fait de le restreindre. Tout ce qui va dans ce sens. Pourquoi? Ils ont dit c'est ça le sens du mot fakduru lahu. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre: wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Alors celui dont sa subsistance a été restreinte, qudira fakduru lahu. Fa man qudira alayhi rizquhu wa man qudira alayhi rizquhu. Et donc celui dont sa subsistance a été restreinte, alors qu'il dépense de ce que Allah lui a donné. Alors qu'il dépense de ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné. Qalu idhan nudayyiku sha'ban fa naj'aluhu 29 yawman. Ils ont dit donc nous allons restreindre le mois de Sha'ban et nous allons faire en sorte qu'il ait 29 jours. Et donc on doit jeûner parce que demain c'est Ramadan. Donc si on ne voit pas le croissant lunaire, demain on jeûne. Pourquoi? Parce que c'est Ramadan. Pourquoi c'est Ramadan? Parce que on doit restreindre le mois de Sha'ban. وذهب الجمهور الى تحريم صيام يوم الشك الا لمن كانت له عاده او عليه قضاء من رمضان. Tandis que la majorité des savants, ils voient qu'il est interdit de jeûner durant le jour du doute, sauf pour toute personne qui a une habitude, il a l'habitude de jeûner le lundi, le jeudi, ou alors qui doit rattraper un jour de Ramadan. Alors celui-ci, oui, il peut jeûner. Istadallu biqawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wa la yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasum. Ils se sont donc appuyés sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne faites pas précéder Ramadan par le jeûne d'un ou de deux jours, sauf un homme qui jeûnait alors qu'il le fasse, qui avait l'habitude de jeûner alors qu'il le fasse. Et donc ils se sont appuyés sur le hadith qu'on étudie aujourd'hui et qu'on a commencé à étudier la semaine dernière. Et donc on voit dans ce hadith qu'on ne peut pas faire précéder le mois de Ramadan par un jour de jeûne. Là, on n'est pas encore rentré dans Ramadan. Tu n'as pas vu l'Hilal. Tu n'as pas vu donc le croissant lunaire. وَاسْتَدَلُّ أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ صِلَحِ إِبْنِ زُفَرْ قَالَ كُنَّ عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَأَتَى بِشَاهِ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارُ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ. Et donc ils se sont aussi appuyés, donc comme je l'ai dit, sur le hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres, selon Silah ibn Zufar, qui dit: nous étions chez Ammar durant le jour. Nous étions chez Ammar le jour durant lequel les gens doutent, le jour du doute. Alors celui-ci est venu avec une chèvre, donc la nourriture, la bête à manger. Alors certains se sont éloignés. Et donc ils montrent qu'ils ne vont pas manger. Alors Ammar a dit, celui qui jeûne ce jour-là, donc aujourd'hui, le jour du doute, celui qui jeûne ce jour-là a certes désobéi à Abu al-Qasim. Abu al-Qasim, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا القول هو الراجح في المسألة أنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا لمن كانت له عادة أو عليه قضاء. Et donc, cet avis est l'avis le plus juste, est que il n'est pas permis de jeûner le jour du doute, sauf une personne qui a une habitude de jeûner, ou alors une personne à qui il est obligatoire de faire un jeûne, tel que donc le fait de rattraper le jeûne du Ramadan. Taïb, wa hadith ibn Umar. Hadith ibn Umar, alladhi istadalla bihi al-Hanabila, madha naf'alu bihi. Et donc, que faisons-nous donc du hadith que al-Hanabila, l'école Hanbalite, ont utilisé comme preuve, le hadith d'Ibn Umar, dans lequel, donc, qui montre que nous devons restreindre le mois. Comment allons-nous répondre à cela ? فيقول معنى فاقدروا له أي فاقدروا له ثلاثين. On dit ce qui est voulu par là, alors déterminez-le, comme on l'a traduit au début, déterminez-le. Si donc le croissant lunaire vous est caché, alors déterminez-le. فاقدروا له. Ce qui est voulu par là, ce n'est pas le fait de restreindre le mois de Sha'ban. Ce qui est voulu par là, c'est le fait de déterminer ce mois en lui donnant 30 jours. Et donc, on va déterminer que le mois n'est pas fini, mais on lui donne 30 jours. Où avons-nous pris cela ? Aina akhadna hadha ? Akhadnahu min qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim 'an ibn Umar radiyallahu anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. Et donc cela, cette explication de faqdurullah, alors déterminez-le. Cette explication, nous la prenons de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم dans Sahihain, Sahih al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mois est de 29 nuits. Le mois est de 29 nuits. Alors, ne jeûnez pas avant de l'avoir vu. Alors, ne jeûnez pas avant de l'avoir vu, avant d'avoir vu le croissant lunaire. Et si celui-ci vous est caché, vous ne le voyez pas, alors complétez le mois à 30. Alors complétez le mois à 30. Et donc ça, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'avis le plus juste est que lorsque on arrive au 20e jour, au 29e jour de Sha'ban, et qu'on ne voit pas le croissant lunaire montrant le début du mois de Ramadan, alors on termine le mois de Sha'ban à 30 et ensuite on commence Ramadan. Mas'ala. In kana al-mar'u lahu 'ada fa sama yawm ash-shak li hadhihi al-'ada thumma fi athna' al-yawm tabayyana lahu annahu min Ramadan fa innahu yukmilu sawmahu wa yaqdi hadha al-yawm li annahu lam yanwi siyam Ramadan qabla al-fajr. Et donc, il y a une question, c'est, ici, si un homme, si un individu qui a une habitude de jeûner, par exemple, tous les lundis et tous les jeudis, comme on a déjà cité, et que, donc, le jour du doute, ça tombe, donc, ce jour-là. Il va donc jeûner ce jour-là, le jour du doute, par rapport à son habitude. Ce n'est pas parce qu'il veut être sûr qu'il est rentré dans Ramadan ou autre, c'est par rapport à son habitude. Puis après cela, durant la journée, il apparaît qu'en fait, non, il s'était trompé, Ramadan a effectivement commencé. Ramadan a effectivement commencé. Alors cet homme, il finit son jeûne qu'il a commencé, Mais après cela, il doit rattraper le jeûne de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu l'intention de jeûner Ramadan avant le Fajr. Il n'a pas eu l'intention de jeûner Ramadan avant le Fajr. Al-Hadith al-Thani, le deuxième hadith qu'a cité l'auteur dans le chapitre du jeûne, c'est le hadith qu'on a vu précédemment, d'Abdullah ibn Omar. An Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma qal, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Iza ra'aytumuhu fasumu wa iza ra'aytumuhu fa'aftiru, fa'in humma alaykum faqduru lah. Et donc, selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, si vous le voyez, c'est-à-dire le croissant lunaire, alors jeûnez, et si vous le voyez, alors rompez le jeûne. Et si celui-ci vous est caché, alors déterminez-le. فقد رأينا أن الحنابلة استدلوا بهذا الحديث على وجوب صيام يوم الشك وبينا أن الصواب هو التحريم. Et donc nous avons vu que al-Hanabila, l'école Hanbalite, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire qu'il est obligatoire de jeûner le jour du doute. Comme on vient de le voir. Cependant, on a expliqué que l'avis le plus juste, ce qui est correct, c'est qu'il est interdit de jeûner le jour du doute. Taïb, est-ce qu'il y a d'autres points à voir dans ce hadith ? Na'am. Fa fi hadha al-hadith anna as-sawm wal-iftar muta'alliqan bi ru'yati al-hilal la al-hisab. Il y a dans ce hadith le fait que le jeûne et le fait de rompre le jeûne sont deux éléments qui sont liés à la vision du croissant lunaire et que cela n'est pas lié au calcul. Cela n'est pas lié au calcul. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكن لم يرى الهلال فإنه لا يصام لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية. Et donc il dit, le très savant Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, et on comprend de cela, lorsqu'il a expliqué ce hadith, il a cité ce hadith, et ensuite il dit, on comprend de cela, que le jeûne ne devient pas obligatoire, le fait de jeûner n'est pas rendu obligatoire par les simples calculs, par le simple fait de faire les calculs. Et certes, si les connaisseurs, les savants qui sont connaisseurs des calculs et qui suivent les diverses positions de la lune, Ils déterminent que cette nuit est la nuit de Ramadan, cependant qu'on ne voit pas le croissant lunaire montrant le début du mois, alors on ne va pas jeûner. On ne va pas jeûner. Alors qu'ils te disent, oui, nous avons fait les calculs, que ça commence demain, mais nous, on n'a pas vu la lune. On ne va pas jeûner. Pourquoi, il dit le cheikh, parce que la législation à lier le jugement à un sujet, à un point sensoriel. À un point sensoriel qui est la vue. Qui est la vue, le fait de voir le croissant lunaire. Fin de citation. Wa qala san'ani rahimahullah. Inna an-nassa ishtarata fi luzumi as-sawmi ahada amrayn. Imma ar-ru'ya أو إكمال العدة 30 إكمال العدة 30 ودل الدليل على أن رؤية البعض كافية فإثبات اللزوم بمجرد الحساب ينافي النص انتهى. Et As-Sanani, il dit rahimahullah, il dit, les textes de la législation ont mis en condition pour montrer l'obligation du jeûne un de deux points. Donc il faut obligatoirement un de deux points. Quels sont ces deux points? C'est soit le fait, soit la vision, donc le fait de voir la lune, ou alors le fait de terminer le mois à 30 jours, de compléter le mois à 30 jours. Voilà les deux points donc qu'ont cité la législation. Et certes, les preuves montrent que la vision de certaines personnes suffisent. Et donc, ce n'est pas obligatoire que tout le monde voit la lune pour qu'on jeûne. Juste la vision de certaines personnes suffit. Et donc, le fait d'affirmer le caractère obligatoire du jeûne par les simples calculs, cela contredit les textes. Fin de citation. Fin de citation. وكذلك في هذا الحديث donc le dernier point qu'on voit ce soir inchallah وكذلك في هذا الحديث أو هذا الحديث استدل به الجمهور على أن لجميع البلاد رؤية واحدة. Et aussi ce hadith, la majorité des savants se sont appuyés sur ce hadith pour dire que tous les pays ont une seule vision. إِذَا رُؤِيَ الْهِلَالِ فِي السَّعُودِيَّ مَثَلًا لَازِمَ الْبِلَادُ الْأُخْرَى الْعَمَلُ بِهَذِهِ الرُّؤْيَةِ. Par exemple, si le croissant lunaire a été vu en Arabie Saoudite par exemple, alors à ce moment-là, il est impératif aux autres pays de jeûner Ramadan. Pourquoi ? Parce qu'on a une seule vision pour tous les pays. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا. Et ça, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous le voyez, c'est-à-dire si vous voyez le croissant lunaire, alors jeûnez. قالوا هذا الكلام موجه إلى المسلمين ولا يلزمهم كلهم رؤيته. Ils disent donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'adresse aux musulmans. Si vous le voyez, alors jeûnez. Cette parole s'adresse aux musulmans et il n'est pas imposé que chacun des musulmans il voit donc la lune. Lima akhrajahu Ahmad wa an-Nasa'i an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala fa in shahida shahidani fasumu wa aftiru. Et la preuve de cela, la preuve qui montre que il n'est pas obligatoire que tous les musulmans voient le croissant lunaire, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam citée dans le Mousnad de l'imam Ahmed ainsi que le Sunan de Nasa'i. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, si il y a deux témoins qui assistent, excusez-moi, qu'il y a deux personnes qui témoignent avoir vu le croissant lunaire, alors jeûnez et rompez le jeûne. Et donc on va jeûner et rompre le jeûne avec donc ces deux témoignages. Pas besoin donc que tout le monde voit le croissant lunaire. وأيضا استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith qui est dans Sahihain, le recueil de Bukhari et de Muslim, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, jeûnez lorsque vous le voyez et rompez le jeûne lorsque vous le voyez. قالوا هذه الأحاديث عامة. Et donc ces savants-là, ils ont dit que ces hadiths sont généraux. Donc la majorité des savants, ils disent les hadiths, ils sont généraux dans le fait de montrer que donc lorsqu'on voit la lune, on jeûne. Et donc à partir du moment où il y a donc deux personnes qui ont vu la lune, on va et qui ont donc témoigné de cela, donc cela s'applique sur tous les pays musulmans. Cela s'applique sur tous les pays musulmans. El qawlu thani wa huwa qawlu shafi'iyya wa ikhtarahu ibn taymiyyah rahimahullah. ومن المعاصرين العلامة ابن العثيمين أن لكل بلد رؤيته. Et donc le deuxième avis, c'est l'avis de Shafi'iyya, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et parmi nos savants contemporains, il y a donc Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah qui a choisi cet avis. Quel est cet avis? C'est que chaque pays a sa vision, chaque pays a sa propre vision. Et donc il se peut donc que l'Arabie Saoudite ils aient vu le croissant lunaire montrant le début du mois, mais que celui-ci n'ait pas été vu dans un autre pays. Et dans l'autre pays, ils se disent, il ne nous est pas obligatoire donc de suivre l'Arabie Saoudite. Eux, ils ne l'ont pas vu. Donc eux, ils ne vont pas jeûner. Ou alors nous, on l'a vu, nous on jeûne. Et l'Arabie Saoudite, ils ne se basent pas forcément sur leur vision. Ou l'inverse. L'Arabie Saoudite, ils ont vu donc le croissant lunaire. Et les autres qui ne l'ont pas vu, ils disent, nous, on ne va pas forcément suivre l'Arabie saoudite, on ne jeûne pas parce qu'on ne l'a pas vu, on verra demain. Et donc ça, c'est le deuxième avis. استدلوا بما أخرجه مسلم في صحيحه عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس فصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت ولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc la preuve sur laquelle se sont appuyés donc ces savants qui voient que chaque pays a sa vision, c'est donc le hadith cité dans le recueil de Sahih Muslim, selon Kureyb, qui dit que Umm al-Fadl, elle l'a envoyé voir Muawiyah au Shem. Elle l'a envoyé auprès de Muawiyah au Shem. Il dit, je suis donc arrivé au Shem et j'ai fait ce qu'elle m'a demandé de faire. Puis, le mois de Ramadan a commencé alors que j'étais au Shem. Et j'ai vu le croissant lunaire. J'ai vu le croissant lunaire qui montre le début du mois. La nuit du vendredi. Je l'ai vu la nuit du vendredi. Puis je suis parti à Médine à la fin du mois. Je suis retourné à Médine à la fin du mois. Et Abdullah ibn Abbas m'a demandé. Puis il a cité le croissant lunaire. Et il m'a demandé, quand avez-vous vu le croissant lunaire? Donc Abdullah ibn Abbas qui est à Médine, qui demande à Kureyb, qui était au Shem au début du mois de Ramadan, il lui demande, quand avez-vous vu le croissant lunaire? Alors, Kureyb, il répond en disant, nous l'avons vu la nuit de vendredi. Alors, Abdullah ibn Abbas qui dit à Kureyb, est-ce que toi tu l'as vu? Kureyb, il dit, Naam, oui. Oui, je l'ai vu. Et les gens l'ont vu. Et ils ont jeûné. Et Muawiyah, donc le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muawiyah a jeûné. Alors, Abdullah ibn Abbas a répondu en disant, cependant, nous l'avons vu la nuit du samedi. C'est-à-dire, nous avons vu le début du Ramadan un jour après vous. Nous ne cesserons de jeûner jusqu'à ce que nous finissions les 30 jours. Ou alors que nous voyons la lune montrant le début du mois. Alors Kureyb, il dit, j'ai dit, est-ce que la vision de Muawiyah, le fait qu'il ait vu la lune le vendredi, et le fait qu'il ait jeûné, est-ce que cela ne te suffit pas? Ibn Abbas a répondu en disant, non, c'est cela, et c'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Et c'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. وقال ابن الملقن رحمه الله يمكن أنه أراد هذا الحديث العام وهو قوله أفطروا لرؤيته لا حديثا خاصا بهذه المسألة انتهى. Et donc ابن الملقن il dit concernant ce hadith que je viens de vous citer et la parole d'Ibn Abbas, Ibn Abbas qu'il dit non. C'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Ibn Abbas, et donc Ibn al-Mulaqqin, il dit, il se peut que Ibn Abbas, il voulait par là le hadith général. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, jeûnez pour sa vision et rompez le jeûne pour sa vision. Il dit, il se peut que ce soit cela qu'Ibn Abbas, il voulait par là. Lorsque Ibn Abbas, il a dit, non, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Mais il dit donc, ce n'est pas, Ibn Abbas ne voulait pas forcément par là un hadith spécifique qui est lié à la différence entre la vision dans un pays et la vision dans un autre pays. Voilà ce qu'il dit Ibn al-Mulawqin concernant ce hadith. Et donc, on a d'un côté, donc, on a donc certains savants qui vont s'appuyer sur ce hadith pour dire que chaque pays a sa vision. Et d'autres, ils vont dire, mais ce n'est pas forcément ce qui est voulu par là. Pourquoi ? Parce que Ibn Abbas, il se peut que lorsqu'il nous a dit c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, il se peut qu'Ibn Abbas, il voulait par là un autre hadith, le hadith qui est connu, c'est ce que le prophète a ordonné. C'est-à-dire qu'on jeûne pour la vision. On jeûne lorsqu'on voit la lune. Mais que ce n'était pas un hadith spécifique à ce sujet-là. Et donc, فَهَذَا الْخِلَافُ خِلَافٌ قَوِيٌّ كَمَا تَرَوْنَ وَهُوَ خِلَافٌ قَدِيمٌ. Cette divergence est une forte divergence, comme vous pouvez le constater, et c'est une divergence qui est ancienne entre les savants. فَإِنَّ الْجُمْهُورُ قَدْ يُجِيبُونَ عَنْ هَذَا الْإِسْتِدْلَالِ فَيَكُولُونَ الآن قد يحتمل أن ابن عباس أراد حديثا معينا في المسألة وقد يحتمل أن ابن عباس أراد بذلك الحديث المشهور فيحتمل هذا ويحتمل هذا وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. Et donc aujourd'hui, donc Al-Jumhur, ils peuvent répondre à Shafi'i en disant que il se peut que Ibn Abbas, il est voulu par ce hadith, un hadith qui soit spécifique, une parole du prophète spécifique à cette situation. C'est-à-dire, si on voit la lune tel jour, et que dans tel pays, ils ont vu la lune un autre jour, alors chaque pays a sa vision. Il se peut qu'Ibn Abbas, c'est ce qu'il voulait. Mais il se peut aussi qu'Ibn Abbas, lorsqu'il a dit, c'est ce que le prophète nous a ordonné, il se peut qu'Ibn Abbas, il voulait dire par là, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est connue, lorsqu'il a dit, lorsque vous voyez la lune, alors jeûnez. Et donc Ibn Abbas, il s'est appuyé sur ce hadith, il a compris ce hadith comme cela, il a dit donc, nous on a vu la lune, alors on a jeûné. On a vu la lune, on a jeûné lorsqu'on a vu la lune. Mais ce n'est pas donc un hadith spécifique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant ce sujet. Et donc ces savants-là vont nous dire, les savants donc, qui voient qu'il y a une vision pour tous les pays, ils vont nous dire donc, à partir du moment où une preuve a plusieurs probabilités, on ne peut pas l'utiliser. Il nous faut impérativement une autre preuve. Tu as une preuve, mais il est probable que cette preuve, il soit voulu par là un point A, il soit probable qu'il soit voulu par là un point B. Et donc tu ne peux pas forcément l'utiliser cette preuve. Il te faut une autre preuve qui montre fermement que c'est ce qui est voulu par là. Et donc ça c'est une lourde divergence, les frères. Voilà pourquoi je vais vous lire une parole du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, pour finir. Cheikh Ibn Baz, il dit, rahimahullah, il dit, فَإِذَا ثَبَتَتْ فِي الْمَمْلَكَةِ فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُدِيَّةِ مَثَلًا وَصَامَ بِرُؤْيَتِهِ أَهْلُ الشَّامِ وَمِصْرِ وَغَيْرُهُمْ فَحَسَنْ لِعُمُومِ الْأَحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يَسُومُوا وَتَرَاءَوُ الْهِلَالِ وَصَامُوا بِرُؤْيَتِهِمْ فَلَا بَأْسَ انتهى. Et donc le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il nous dit, et donc, si le début du mois du Ramadan est confirmé dans le royaume de l'Arabie Saoudite, par exemple, et que les gens du Shem et d'Égypte ont jeûné en se basant sur cette vision qui a été vue en Arabie Saoudite, il dit, alors cela est correct. Cela est correct. Et ce, en se basant sur les hadiths qui sont généraux, les paroles du prophète qui sont générales dans ce sujet. Mais si, par contre, les gens n'ont pas suivi cette vision et qu'ils ont donc qu'ils n'ont pas jeûné et que chacun a cherché la vision de la lune, du croissant lunaire et qu'ils ont jeûné en fonction de leur vision, que chacun a jeûné en fonction de sa vision, chaque pays. Alors il dit, alors il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Fin de citation. Et donc ça nous montre que c'est une grosse divergence, et que si tous les pays ont la même vision, s'appuient, se basent sur une vision, et que tous les pays jeûnent en même temps, c'est bien. Mais que si chaque pays a sa vision, alors il n'y a pas de mal en cela, car chacun a sa preuve. Mais le problème, c'est que parfois tu vas trouver des gens dans un même pays, et qui vont avoir le début du jeûne à des moments différents, la fin du jeûne, le Eid, à des moments différents, parfois dans une même ville. Dans une même ville. C'est ce que j'ai vu l'été dernier. J'ai malheureusement vu cela. La grande majorité des musulmans qui jeûnent un jour. Et la Eid, ils le font un jour. Et une toute petite partie qui te disent non, non, non, non, on ne va pas jeûner avec vous et on ne va pas faire l'Eid aussi. Pourquoi ? Parce que il y a le hadith d'Ibn Abbas. Et donc les musulmans qui vont être divisés. Dans une même ville. Dans une même ville. Et donc il faut faire très attention à bien comprendre les textes de la législation. Car aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ulama ? Est-ce qu'il y a des ulama parmi salaf, parmi les pieux prédécesseurs, qui disent que nous pouvons avoir donc deux visions différentes dans une même ville, dans deux mosquées voisines, 5 minutes entre les deux. Et donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, les frères, donc, à ne pas diviser la communauté musulmane. On va arrêter là pour aujourd'hui, c'était très long. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.